lumière dans l'obscurité. Quand elle est déjà, j'étais invincible. Elle a fait de moi ce qu'elle voulait. Sans le savoir, j'ai fini à sa merci. Elle jouait avec moi, ça l'amusait. J'étais pas le seul à qui elle avait menti. C'était la fois de trop, elle devait prier. J'étais prêt à lui ôter la vie. Elle voulait s'excuser, moi je ne voulais pas. Devant lui, elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Pour lui, c'était juste, il n'en voulait pas. Elle voulait juste s'amuser avec moi. Aucun moment pour elle, c'est pas son souci. C'est de ma faute, j'étais vraiment faible, moi aussi. Venant d'elle, pour moi, c'était impossible. Impossible. Et je réalisais qu'elle me mentait depuis longtemps. Longtemps, longtemps. Et je réalisais qu'elle me mentait depuis longtemps. Longtemps, longtemps. J'étais son parapluie quand elle pleurait sous la pluie. Son gilet pare-balles, j'étais son pied d'appui. Puis j'ai souhaité la mort. Pour moi, c'était mon plus grand souhait. J'ai souhaité la mort. J'me rappelle quand tu disais que tu m'aimais. Yeah, yeah, yeah. J'me rappelle quand tout allait bien. Yeah, yeah, yeah. Elle voulait s'excuser, moi je ne voulais pas. Devant lui, elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Pour lui, c'était juste, puis il n'en voulait pas. Elle voulait juste s'amuser avec moi. Aucun roman pour elle, c'est pas son souci. C'est de ma faute, j'étais vraiment faible, moi aussi. Venant d'elle, pour moi, c'était impossible. Impossible. Mais dis-moi comment. Comment, comment, comment. Dis-moi comment t'as pu oser. Pour elle, c'est pas un souci. C'est de ma faute, j'étais vraiment faible, moi aussi. Venant d'elle, pour moi, c'était impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Je me rappelle quand tu disais que tu m'aimais. Yeah, yeah, yeah. Et je me rappelle quand tout allait.